Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. On va parler de football de la Ligue canadienne. On va en parler avec notre ami Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, d'abord on va parler des Alouettes. Et, j'ai prédit une saison de 3 victoires. Donc là, il y en a déjà une de complétée. Donc on a déjà 33% de l'objectif d'atteint. L'objectif d'atteint. C'est déjà pas pire. Non, blague à part. Écoute, c'est une victoire. T'avais pas le choix de remonter. Après la défaite de 56-10 contre c'était quoi, Winnipeg? T'avais pas le choix d'en bondir de belle façon. Moi, je pensais honnêtement que ça allait démolir cette équipe-là, mais ils ont montré quand même de belles choses. Ils ont montré de très belles choses, particulièrement défensivement. On a revu un peu plus le côté défensif qu'on avait vu contre les Lions lors de la première semaine. Donc ça c'est intéressant. Tu sais, il faut comprendre, là, on a gagné 23-17, si je ne me trompe pas. Puis il y a 11 points qui sont arrivés au quatrième quart, là, en plus vers la fin du match. Là, donc on n'a pas accordé dans les trois premiers quarts, là, on avait accordé que des deux placements là, du côté de la défensive des Alouettes, ce qui est très bien. Offensivement, ben on n'a pas fait d'erreur. On a fait la chose qu'il fallait faire, c'est qu'on met le ballon dans les mains de Chris Williams. OK? De un, ça, faut frapper ce joueur-là sur un coup de circuit au moins une fois par demi. Puis défensivement, de tenir le fort. Donc, c'est de la façon que les Alouettes vont réussir à arracher des victoires cette année. Ouais. Et ils ont très bien fait ça. Brandon Bridge a été quand même désastreux, deux interceptions. Puis David Watford qui l'a remplacé a pas mieux fait avec deux interceptions également. Les deux carrières ont complété à peine 45% de leurs passes. Donc ça là, c'est excellent. La tertiaire elle a été solide. Puis c'est pas une offensive qui est gênante, là, celle de Saskatchewan. Donc, bravo là, pour ce match. Ben non, puis c'était en Saskatchewan. C'est jamais facile de jouer, Pascal. T'as joué en Saskatchewan. C'est une foule très hostile. C'est pas peut-être la foule la plus hostile de la Ligue canadienne. C'est de loin la foule la plus hostile de la Ligue canadienne. C'est intimidant jouer en Saskatchewan. En même temps que c'est le fun parce que c'est tellement une atmosphère et une ambiance incroyable que tu sois... J'ai jamais joué pour Saskatchewan, mais j'imagine que ça doit être encore plus incroyable. Ouais. Mais aller jouer, moi, particulièrement quand je jouais avec Calgary, petite anecdote, là, mais Henry Burris revenait de la NFL et au lieu d'aller en Saskatchewan, il avait signé à Calgary. Okay. Puis son premier match de retour en Saskatchewan, là, les partisans avaient des t-shirts marqués le F Burris dessus des t-shirts. C'était capoté, puis on avait gagné, puis c'était une belle expérience. Ouais. Pascal, est-ce que ça va donner un tonus? Parce que ça, aujourd'hui, c'est le Rouge et Noir d'Ottawa qui est en ville. Ouais, est-ce que tu penses que ça va ça peut partir sur de choses intéressantes? Parce que là, écoute, c'est Jeff Matthews qui est au corps. Jeff Matthews, ce qu'on dit de Jeff Matthews, c'est un gars qui a pas nécessairement bon. Le problème avec Matthews, c'est un gars qui se débarrasse souvent du ballon, qui panique avec le ballon. Et tu penses que ça peut donner quand même un certain momentum? C'est quand même. Hier, j'écoutais ton ami Bruno Eppel dire que le tandem Adams. Adam, c'est Matthews, va être meilleur que Drew Welly. Penses-tu que ça peut donner quand même des certains résultats? Ben, moi, je pense que c'est un couteau à double tranchant, dans le sens que il va créer probablement plus d'opportunités offensives que Drew Welly, Matthews, parce que justement, il va étirer les jeux, il va prendre des chances, mais il va prendre des chances. Donc, des fois, prendre des chances, ça peut être bon, mais ça peut être également difficile, une interception. Il faut pas. Tu sais, c'est ce que Drew Woody fait dans ton qu'on oublie le match contre Winnipeg. Là, 2 sur 3. Drew Woody a pas mal fait parce qu'il a évité les revirements puis il a permis à son équipe d'avoir une chance de gagner sur 2 des 3 matchs. Cependant, permettre d'avoir une chance de gagner et gagner, c'est une autre affaire. Je pense que ça peut pas être mauvais pour les Alouettes en ce moment de voir un changement de corps comme ça, puis de peut-être avoir une étincelle offensive qui va arriver là. C'est deux camps différents en fait, hein? Ah, complètement là. Adam, c'est un camp Adam, c'est un corps qui court avec le ballon, qui est plus mobile. Par contre, sa lecture de jeu laisse à désirer. Et Matthew, juste un gros poussin. C'est un canon, puis c'est un gros bonhomme. Matthew, c'est un carrière qui est difficile à saquer. Tu sais, à 6 pieds 4, 221 livres, c'est un gros bonhomme. Puis Jeff Matthews, là, il vient de Cornell University. Ça, c'est une université ultra réputé académiquement, donc c'est un gars quand même intelligent également. Moi, je pense que Matthews va nous surprendre ce soir. Tu sais, il faut pas oublier non plus que Ottawa, c'est une équipe qui c'est une bonne équipe, mais elle a pas connu un bon match offensif la semaine dernière contre Calgary. Bon, Calgary, c'est une grosse défense, là, mais ils vont vouloir essayer de prendre peut-être plus de chances du côté d'Ottawa. Et avec la façon que la défense des Alouettes ont joué contre Saskatchewan, mais ça pourrait créer des revirements intéressants, une belle position de terrain pour Jeff Matthews. Puis il faut que l'unité spéciale avec Boris Bédé, qui a été nommé joueur de la semaine, continue de faire son bon boulot. Puis Bédé ne connaissait pas un bon début de saison non plus, là. Non. Ben, tu sais, il y a personne chez les Alouettes qui connaissait vraiment début de saison. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est difficile d'être performant quand il n'y a aucune des unités qui performe. Pascal, je veux te parler de Johnny Menzel. Hier, Nick Mazzoli, 9e match consécutif avec 300 verges, c'est excellent. Moi, j'étais de ceux qui disaient: vous allez voir Menzel, 3e ou 4e match, Menzel va embarquer dans la mêlée. Écoute, la pression va tellement être forte sur lui. Il arrive des États-Unis, c'est un gros nom, c'est probablement le plus gros nom à l'extérieur de la frontière aux États-Unis. T'sais, quand ESPN parle de la Ligue canadienne, c'est pour parler des joueurs qui ont évolué dans la NFL. Quand Menzel est arrivé dans la Ligue canadienne, ça faisait la manchette à ESPN. Or, Menzel, lui, il est venu avec un objectif en tête, c'est de se remettre sur la map et éventuellement avoir une carrière dans la NFL. Le problème, c'est que Mazzoli joue tellement bien que s'il n'est pas sortable, qu'est-ce qui va arriver d'après toi? Ben, j'étais un peu dans la même équipe que toi par rapport à Menzel. Moi, je disais qu'en deuxième moitié de saison, d'après moi, ça allait être le corps partant des Tiger Cats. Je prédisais également une saison difficile aux Tiger Cats. Puis en ce moment, je les regarde jouer là. Puis bon, ils ont perdu hier là, mais ils ont perdu un match serré. Mazzoli joue vraiment bien. C'est une belle équipe en ce moment à avoir évolué là, malgré qu'ils sont 2 victoires, 2 défaites là, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que là, les Tiger Cats en ce moment, le fait de ne pas faire jouer Johnny Menzel augmente sa valeur, parce qu'en ce moment, bon, à Winnipeg, là, à Winnipeg, en fait, même si Nichols revient, et ça a donné la chance à un jeune, mais en Saskatchewan, ouais, on a vu Brandon Bridge avoir de la difficulté. Bon, ils ont gagné hier là, dans un match serré, mais c'était pas une grosse performance. À Toronto, bon, c'est Franklin. J'ai l'impression que... Franklin, on dit que c'est le meilleur corps. Écoute, j'écoutais les gens dire que c'était pas mal la future. On dit que c'est un corps très talentueux, mais de ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y avait un problème de communication un peu là avec ses coéquipiers. Bon, on va voir sa performance, mais c'est sûr que... il y a des équipes là, je pense particulièrement à Saskatchewan. Je penserais à Montréal aussi, mais j'ai comme pas l'impression que Montréal veuille jouer cette carte-là. Puis Toronto, mais tu sais, c'est un carrière qui peut être intéressant, Menzel, mais là, plus qu'on avance dans la saison, plus ça va être difficile de faire un échange parce que les carrières qui sont là en ce moment vont apprendre le cahier de jeu, vont, tu sais, ils vont s'établir, ils vont prendre un certain rythme. Donc, j'aimerais bien ça, voir un échange, moi, pour mettre un bon show, là, un bon spectacle dans CFL. Il y avait beaucoup de rumeurs de Menzel à Montréal. Puis moi, quelque part, tu sais, on se contente pas d'histoire. Matthews et Adam, c'est pas solution. C'est pas solution, donc, à long terme, là. En fait, c'est que même Menzel sera pas la solution à long terme parce que j'ai pas l'impression qu'il va rester. Ben non, c'est sûr, mais au moins, c'est quand. Mais c'est sûr qu'à Montréal, avec la protection qui est déficiente, c'est difficile pour un carrière de bien s'établir. Comme on s'est dit la semaine dernière. T'aurais beau mettre Tom Brady, ce serait. Mais tu sais, regarde ce que tu sais, là, on va commencer à voir cet ajustement-là, d'après moi, un peu à Montréal, là. Mais regarde Hamilton, là, on protège souvent Mazzoli à 7. On amène deux ailiers rapprochés, un joueur de ligne offensive de plus, puis on les garde en protection. Et puis, ça donne du temps. Puis ça donne du temps à un joueur comme Banks, un petit joueur rapide de s'ouvrir puis de, tu sais, on a une belle combinaison avec Ernest Jackson puis Williams. Fait que si on ajoute un peu de temps, nous, en ajoutant de la protection, ça pourrait être une stratégie intéressante. En plus, sachant que Sutton, c'est un peu notre bougie d'allumage, là. Cependant, la semaine dernière contre Saskatchewan, ça a été extrêmement difficile, là. 11 portées, 20 verges, on s'entend pour dire. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'à l'entraînement cette semaine, Patrick Lavoie et Tyrone Sutton travaillaient beaucoup sur la protection, aidaient la ligne à l'attaque à protéger le carrière. Ben c'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est à ça que je m'attends aussi, particulièrement en embarquant... là, tu sais, Drew Willey, il a bien des défauts, mais une de ses qualités, par contre, c'est que l'expérience, il prend pas de risques. Mm. Fait que s'il y a un blitz, s'il y a une pression... Tu sais, il va faire la tortue, il va se cacher, puis ça va être un sac, puis on passe au prochain jeu. Tandis que Jeff Matthews, lui, ben, c'est un carrière différent, fait que ça va être important d'y donner encore une protection encore meilleure, tu sais. Effectivement. Pascal, et surtout aussi les camps d'entraînement de la NFL qui vont s'ouvrir très très bientôt. Ouais. Donc, j'espère que ça, Jim Pop, il y a une époque, pas en dernier, là, parce que je pense qu'en dernier, il était tanné, puis il avait fait son temps à Montréal. Par contre, Jim Pop, c'était sa force de... C'était sa force, Jim Pop, d'aller recruter dans la NFL. Il avait tellement de contacts. Ah oui, ça, c'est... Jim Pop, là, il a été très très bon, comme tu dis, pas dans les dernières années, là, mais il a été très bon dans sa carrière à Montréal, à aller chercher les Américains qui ont réussi à aider le club quand même très rapidement. Ça nous manque. Genre, on a l'impression que ça fait un bout de temps que le talent américain qui est sorti du lot, là. Tu sais, qu'on ramasse un joueur puis on se dit, oh, il est vraiment meilleur que tous les autres de la Ligue canadienne. Bon, c'est quoi, ou qui va faire l'équipe d'étoiles. Le Darren Carter, c'est pas mal des derniers, là, qu'on a vu avec les Alouettes. Qui était super, qui était comme supérieur à la masse, là, Darren Carter. Non, j'essaie de penser à des jeunes Américains, Non, ça ressemble à ça pas mal. Darren Carter. Pascal, on s'en parle vendredi prochain? Oui, j'espère que deuxième victoire de suite. 66% de tes prédictions. Ouais, là, ça commencerait de la misère. Toi, t'as pas dit quoi? 6-7 victoires cette année, peut-être? Ouais, moi, j'avais prévu 6 victoires. Ben, tu sais, je me disais peut-être 7, là, mais 6-7, là. Et à 8, on est capable de. À 8 victoires, 10 défaites, t'es en position pour faire les séries dans la Ligue canadienne. Exactement. Fait que, tu sais. Ça peut être. En tout cas, ça va être intéressant. Surtout si s'il réussit à battre une équipe de l'Est, là, dont oui. Ottawa. Pour avoir faim, là, il faut avoir mangé un peu pour savoir qu'on veut manger encore. Puis c'est ce qui est arrivé lors du dernier match. Donc en espérant qu'ils vont être en mesure de pousser là-dessus. On s'en reparle, Pascal. Pascal Masson, collaborateur des Alouettes.